traité France Bleu devient Radio Disco. Demain, une autre histoire de plagiat, celle de Michael Jackson qui abusait d'un titre de Manu Dibango, Soul Makossa. Et là, c'est à bas qu'on vous propose avant le retour de vos informations de 18h sur France Bleu. Super trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, cause somewhere in the crowd there. Yeah. changeait l'air sans froid un instant. Tiens autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Willem, je tourne en rond sur France Bleu. Dans deux minutes, c'est le retour de vos informations au plus proche de chez vous. Le 6-9 France Bleu Isère, Christophe Chardon. On vous accompagne tout l'été, tous les jours, avec vos manifestations, vos fêtes, vos bons plans, les gourmandises de l'été. On n'oublie pas non plus de vous offrir cette semaine l'opéra Carmina Burana à Beauvoir-en-Royans, la soirée de gala du Festival de Magie d'Auzan-Noisan, sans oublier bien sûr le passeport France Bleu, tous les matins à 7h15. Bienvenue sur France Bleu Isère. Ce dimanche, vivez à partir de 10h la fête de la Saint-Laurent au Bourdoisan. Ne manquez pas à 14h30 le défilé du Corso d'hier et d'aujourd'hui. Tracteurs, chars, mais aussi échassiers et costumes défileront au cœur du village. Concert à 20h30 et enfin vous terminerez cette journée avec le feu d'artifice au Théâtre de Verdure. La fête de la Saint-Laurent, c'est dimanche et c'est à Bourdoisan. France Bleu. La Grande Médiévale de Saint-Antoine-l'Abbaye sera de retour les 12 et 13 août prochains. Venez vivre une expérience familiale unique au cœur de l'un des plus beaux villages de France. Spectacles, musique, combats, tir au canon, marché artisanal et marché des producteurs vous attendent de midi à minuit. Retrouvez chaque soir un grand final son et lumière. Nouveauté 2023, les enfants sont au cœur de la Médiévale avec de nombreux spectacles et un final dédié chaque soir à 18h. Renseignements et billets en ligne sur le site medieval-saintantoine.fr. Dimanche 20 août, retrouvez-nous à la fête du village de Méaudre sur le thème du cinéma. Au programme, stand de jeux et maquillage. À 11h, défilé de vélo fleuri. 15h, défilé de chars en musique. Tir à la corde géant et le mythique tir ces deux chèvres attelées. Midi et soir, repas avec cochon à la broche. Rendez-vous à la fête du village de Méaudre, dimanche 20 août, dès 10h. Renseignements 04 76 95 20 68. 04 76 95 20 68. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Isère. Vous écoutez France Bleu Isère et vous avez fait le bon choix. Très bon mercredi, les 18h. Un tour complet de l'actualité, Lionel Cariou. En Alsace, un très lourd bilan après l'incendie dans un gîte de vacances accueillant des handicapés mentaux légers. Le sinistre a fait 11 morts, l'incendie le plus meurtrier en France depuis 7 ans. Le feu s'est déclaré vers 6h30. 17 personnes ont pu être évacuées à temps de ce gîte situé à Winsenheim, donc en Alsace, dans le Haut-Rhin. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue sur place tout à l'heure. Elle a exprimé toute sa tristesse, je cite, sa solidarité après ce drame épouvantable. Une enquête permettra de faire toute la lumière, a promis la chef du gouvernement. Aucun élément pour l'heure encore ne permet d'expliquer le drame. L'origine serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé, a néanmoins déclaré la vice-procureure de la République de Colmar. Mais on n'en connaît pas la cause. Les dernières précisions sont à lire sur notre site francebleu.fr. En Isère, il y a tout juste un mois, à Morette, paisible commune située près de Tulin, les gendarmes mettaient la main sur 4000 plants de cannabis cultivés dans un entrepôt isolé. Un lieu de vie avait même été emménagé pour surveiller la petite exploitation. 5 personnes sont jugées cet après-midi dans cette affaire par le tribunal de Grenoble. Soizic Pelé, vous suivez l'audience pour France Bleu Isère. 5 prévenus qui tentent de minimiser leur rôle. Alors il y a pour commencer les 2 prévenus albanais. Eux avouent quand même un petit peu plus leur implication dans cette affaire par rapport à leur garde à vue. En garde à vue, ils avaient gardé le silence. Là, ils admettent avoir participé, mais pas directement au trafic de stupéfiants. Ils racontent simplement avoir amené de la nourriture, par exemple, aux employés sur place. À la barre aussi, 2 Isérois, le propriétaire du bâtiment et le locataire qui a servi de prête-nom pour louer justement ce local, au départ pour sa société de pièces automobiles détachées. Les deux assurent qu'ils ne savaient pas à quoi a servi le local, malgré quelques indices importants, les factures d'eau et d'électricité qui explosent, les travaux également effectués à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Rien ne nous a mis sur la piste, il n'y avait pas d'odeur ni de bruit qui était particulièrement suspect, raconte-t-il. Merci Soizic Pelé. Donc depuis le palais de justice de Grenoble, ce même tribunal judiciaire a rendu tout à l'heure une décision dans un tout autre dossier, une procédure pour diffamation à l'encontre de l'animateur Jean-Marc Morandini. C'est un chirurgien grenoblois qui avait déposé plainte contre lui. Eh bien Jean-Marc Morandini a été relaxé. La plainte serait arrivée trop tard et jugée non conforme. 18h03 sur France Bleu Isère. Dans une poignée de secondes, la météo. Et un point sur vos conditions de circulation en région Rhône-Alpes avec pas mal de monde le long du lac d'Annecy. Entre Sevrier et Annecy, ça coince aussi du côté de Scié, de Évian. Pas mal de monde aussi en station. Chamonix, Sallanches, Megève, le Grand Bornand. Attendez-vous à quelques coups de frein. Et en direction de Thônes, entre Alex et Thônes, là aussi. Un quart d'heure en plus sur votre temps de parcours habituel. Le long du lac du Bourget, il peut y avoir aussi quelques ralentissements. L'agglomération grenobloise, tout est au vert pour nous. Et puis du côté de la vallée du Rhône aussi, ça circule bien, à part un petit bouchon dans le centre de Tournon et de Tain-l'Hermitage. Si vous êtes témoin d'un incident, vous nous appelez au 0806 00 10 10. Côté météo, c'est un large soleil, quelques nuages en montagne qui sont simplement là pour le décor, et puis les températures bien chaudes. 28 à 29 pour Annecy, Moutier, La Tour du Pin, Saint-Marcelin, 30 degrés pour Chambéry, Grenoble, Montélimar, 31 à 32 pour Valence, Nyon, Sannonay, Privas et Rochemort. Demain, encore pas mal de soleil et des températures plus chaudes qu'aujourd'hui, avec une averse qui ne sera pas exclu en fin de journée. Le 16-19, France Bleu, Arthur de Plante. Allez, ce soir, on fait pas les timides et on s'envoie en l'air. On est en plein été, il fait chaud, alors forcément, bah on va faire du parapente. Bah quoi ? Qui a dit ouf ? Pourquoi vous avez dit ouf ? Bah si, on est avec un pro du parapente, on a le terrain idéal en Rhône-Alpes, alors on va s'envoyer en l'air. Les rouages et les coulisses de la discipline vous sont expliqués dans un instant, juste après Tasmin Archer, Sleeping Satellite sur France Bleu, dans toute la région Rhône-Alpes. Très bel été. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? Of the race, the reason we chase is a lost in romance. And Tasmin Archer, Sleeping Satellite sur France Bleu. Le 16-19, France Bleu. Que diriez-vous de voler dans les Alpes comme un oiseau? Pour cela, rien de mieux que le parapente. Et s'il y a bien un endroit où c'est faisable et recommandé, c'est chez nous, en Rhône-Alpes. Prenons un cours tous ensemble avec Pierre Brems, responsable de l'enseignement Fédération Française de Vol Libre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. On va planter le décor ensemble. Le parapente, c'est un parachute, mais qui part des pentes de montagne. Oui, c'est une évolution du parachutisme qui a été expérimenté, on va dire, dans les fins des années 70, début 80. Et bien sûr, bah, le matériel ayant évolué, on a abouti à une aile volante souple, mais beaucoup plus performante, qui permet de planer vraiment comme un oiseau, vraiment comme un planeur, quoi. Et alors justement, comment ça fait pour voler? Je crois qu'il y a des histoires de masse d'air plus ou moins chaud. Alors oui, on a aussi la possibilité de faire des simples vols plouf, comme on dit, où on va descendre de la montagne, voilà. Comme on peut aussi exploiter des ascendances thermiques, hein, avec l'activité du soleil qui chauffe le sol, et l'air qui est chauffé se met à monter comme une montgolfière, en fait. Mmh. Et donc on va profiter de ces ascendances. Voilà. Et puis il y a aussi les effets dynamiques du vent sur le relief, comme une vague sur une plage. Ah d'accord, ok, qui va venir rebondir un peu sur le relief. Exactement. Et nous permettre de remonter. Combien de temps ça peut durer et ça dure environ un vol? Alors le vol peut être, si on a des conditions ascendantes, il peut être adapté en fonction de ses envies. On peut faire un vol de durée où on va prendre les ascendances et rester soit en local sur le site, soit se promener, carrément faire des promenades aériennes. Et à ce moment-là, on peut faire des vols qui peuvent durer très longtemps, hein, voire même la journée, donc plusieurs heures en fait. D'accord. Voilà, mais bon, pour découvrir le parapente, quand il s'agit d'un baptême, il est raisonnable de faire déjà un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà bien sympa. Et puis ça peut limiter d'éventuelles découvertes de ce que c'est que le mal des transports. Ah bah on y reviendra, voilà. Ça justement, sur ce mal des transports ensemble. Pierre, vous qui êtes responsable de l'enseignement Fédération Française de Vol Libre et puis aussi responsable à Pégase Particules. Alvar, on vous appelle Pierrot dans le milieu, je peux me permettre de vous appeler Pierrot également? Pas de problème. Voilà, ça y est, je fais partie du monde du parapente. Qu'est-ce qui vous plaît dans la pratique de cette discipline? Bah déjà, c'est un sport de pleine nature. On peut pas être plus, on va dire, à l'air libre, hein, bien sûr, mmh. Puisque c'est une façon de voler où on est complètement dans la masse d'air. Il y a une liberté, il y a une maîtrise, je dirais, des éléments, une analyse de l'élément. Je dirais que ça se rapproche beaucoup aux gens qui font de la mer, de la voile en mer. Ou voilà, on est vraiment dans l'élément et on va l'exploiter au mieux, avec une certaine humilité aussi, puisqu'il s'agit aussi de préserver bien sûr sa sécurité. Mais c'est vraiment ce côté liberté, ce côté évasion, espace. On est dans un élément gigantesque. La volée, c'est quelque chose qui est un peu un rêve de l'homme d'ailleurs. C'est vrai. Hein, depuis l'Antiquité, et donc on est abouti aujourd'hui à ces engins décollables à pied qui nous permettent de voler avec cette grande grande liberté. Et on peut en profiter justement ici dans notre région. Quels sont vos endroits préférés? Alors, des endroits préférés sont multiples en fait. Il y a évidemment, quand on est chez soi, on connaît par cœur son petit coin, tout va bien. Mais il y a tellement de jolis coins dans nos régions alpines, et en particulier en Isère, entre le massif de la Chartreuse, les massifs de Belledonne, ainsi que le Vercors, et après tous les hauts massifs à l'intérieur, donc du côté des grandes stations que sont les deux Alpes et autres. Voilà, donc on a vraiment quand même la chance d'avoir une diversité de paysages qui est énorme, et on peut vraiment découvrir de façon très différente, je dirais, tous ces paysages. Voilà, donc on peut en profiter de partout, aussi que ce soit en montagne du côté de la Savoie, en Haute-Savoie. Pierrot, on sent votre passion à propos du parapente. Ça nous donne presque envie d'essayer. Ben justement, je crois qu'on a des solutions. Comment on fait si on a envie d'essayer cet été? Vous nous écoutez ce soir, vous dites tiens, je ferais bien un petit baptême de parapente. Vous nous expliquez tout dans un instant. Pierre, vous qui êtes responsable de l'enseignement Fédération Française de Vol Libre, et à Pégase Particule à Alvar, juste après M. Pokora sur France Bleu. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant citer tout ce qu'il me la peine. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, c'était tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, évidemment c'est toi, on aura des victoires malgré nos défaites. Je resterai là, et dans tes beaux yeux je vais y semer des millions d'étoiles. N'oublie pas, n'oublie jamais. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, c'était tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Juste parce que c'est toi. T'es dans la tête, je te vois partout, tes yeux dans mes yeux et le temps s'arrête. J'en deviens fou, quand j'étais cassé, t'as su me donner un nouveau souffle. J'oublie pas, non j'oublie jamais. Je peux pas douter, dès que je t'ai vu, j'ai su que t'étais la bonne. Tombée du ciel, j'étais perdu, mais t'as su changer la donne. Partout où je vais, je sens ta présence, j'entends ta voix qui résonne. J'ai besoin de toi pour exister. Et tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, c'était tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Juste parce que c'est toi. C'est toi, M. Pokora. Le 16-19, France Bleu. France Bleu. On parle de parasport ensemble en ce début de soirée avec Pierre Brams, responsable d'enseignement Fédération Française de Vol Libre, responsable à Pégase et Particules du côté d'Alvard. Le parapente, ça peut être une bonne idée pour vous durant cet été, une belle initiation. Et justement, si on veut essayer, Pierrot, il y a des baptêmes en biplace. Comment ça se déroule, un baptême? Alors, un baptême en biplace, déjà, on doit être un peu motivé pour faire cette expérience, bien sûr. Et puis, il faut prendre contact avec une école de parapente qui va proposer donc ce type de prestation avec des rendez-vous qui peuvent être soit le matin, soit l'après-midi, voire même en fin de journée en fonction des vols désirés. Et puis aussi des poids des pilotes, c'est-à-dire qu'on peut voler en parapente très jeune, voilà, aussi, hein, si on a bien sûr l'autorisation des parents, et puis qu'on a au moins l'âge de pouvoir avoir un souvenir correct de la chose. D'accord. Donc, voilà. À partir de 8 ans, 10 ans? Oui, même plus tôt, ah oui, voilà, potentiellement, voilà. Mais bien sûr, quand on est des petits poids, on va voler dans des conditions un peu plus calmes pour avoir des, évidemment, voilà, que ça soit un peu plus amorti. Et puis après, pour les adultes ou les voilà, on peut voler dans des conditions plus, on va dire un peu plus mouvementées, quoi. Avec des vrilles, etc. Avec des brises, avec du thermique, avec des ascendances, avec la possibilité de faire aussi des vols de durée ou des vols cross, voire même des vols de balade, voilà. D'expérience, j'ai cru comprendre qu'on pouvait être facilement malade ou se découvrir un mal de transport lors d'un baptême. Ben disons que voilà, si vous êtes déjà au courant que en prenant le bateau ou en avion vous avez déjà un petit peu mal au cœur au bout d'un certain temps, bon, et évitez de faire un vol trop long. Vous pouvez tout à fait découvrir le parapente. Vous venez avec dans les bonnes dispositions, on va dire. On évite d'avoir mangé un cassoulet juste avant, évidemment. D'accord. Voilà, mais un vol de un quart d'heure, 20 minutes, ça passe très bien, quoi. Oui. C'est au-delà. Des fois, ça peut brasser un petit peu. Mmh. Voilà, mais c'est exactement la même chose qu'on a quand on fait du bateau, bien quand sûr. On fait voilà, des activités comme ça. Est-ce qu'il y a besoin d'un certificat médical avant un baptême? Non, pas nécessairement. Maintenant, c'est bien aussi de prévenir le pilote de ses capacités. Si on a une petite instabilité articulaire au niveau d'un genou ou d'une cheville, il est possible aussi de poser sur les fesses tout à fait tranquille, hein, sans que ça soit violent, bien sûr. Il est même possible de réserver des vols dans certaines structures qui sont équipées de fauteuils pour personnes à mobilité réduite. Avec des roues, voilà, ouais, tout d'accord. À fait, ouais. Ça se fait aussi également. Et si on veut essayer de voler un jour tout seul, il faut aller où pour apprendre ? Alors, pour apprendre à voler, il est recommandé, enfin en tout cas je recommande, de s'adresser à une école française de vol libre. Donc le réseau des écoles françaises de vol libre représente un peu plus de 150 écoles sur le territoire français. Dans nos régions, bien sûr, alpines, entre Haute-Savoie, Savoie, Isère, on a une très grosse concentration d'écoles, évidemment. Mmh. Hein, voilà. Donc on s'adresse à une école et on va faire déjà un stage de découverte, enfin découverte initiation, qui nous permet déjà de mettre le doigt dans le pot de confiture. Et ouais. Si vraiment la figure est très bonne, et ben à ce moment-là, on peut progresser, avancer un peu plus dans sa progression jusqu'à avoir une autonomie qui nous permet de pratiquer en milieu associatif, en club. Ouais. Ben merci beaucoup Pierre Brams, responsable de l'enseignement à la Fédération Française de Vol Libre et responsable de la Pégase et particules à Alvar. On peut, n'hésite pas à aller vous voir sur votre site web pour réserver peut-être un baptême, un biplace, ça peut être très très sympa. Et si vous aimez aussi le parapente à regarder, je pense notamment à l'aire d'atterrissage de Limbin avec le Touvet et cette Coupe Icare. 50 ans cette année la Coupe Icare, ça passera du 19 au 24 septembre prochain et ça vaut le coup d'œil. En plus, c'est un événement France Bleu. Merci Pierrot. Merci à vous. À très bientôt sur l'antenne de France Bleu. Quand vous battez la mesure sur ça. Quand vous vous déhanchez sur ça. Ou ça. Ou quand vous montez sur la table avec ça. Vous écoutez France Bleu Let's Dance. Chaque samedi dès 22h. Le 16-19. France Bleu. Dans un instant sur France Bleu, on partage également ensemble des bonnes idées d'activités à faire sportives et notamment des activités nocturnes, des activités 100% de nuit. C'est ce que je vous propose juste après Maxime Le Forestier, né quelque part à 18h21 sur France Bleu. Bon début de soirée. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Maxime Le Forestier est né quelque part sur France Bleu. Un agenda sport 100% nocturne pour demain avec, pour commencer, cette sixième édition de la Grimpée du Signal à Uez, course ouverte aux coureurs nés en 2005 et avant évidemment. Et en fait, c'est une mini-course verticale dont le vainqueur sera celui qui aura enchaîné le plus de montées entre 20h et 21h30. Le temps en descente en télécabine est neutralisé. 800 mètres de montée, 250 mètres de dénivelé au total. Le record à battre, c'est 8 montées dans ce temps imparti. D'une heure et demie, donc la Grimpée du Signal, c'est demain soir à Uez. Sinon, piscine nocturne aussi du côté de Aubenas. La piscine est ouverte de 10h du matin à jusqu'à 21h, ça peut être bien sympa. Et puis pour faire une activité en piscine aussi à Haute-Rive demain après-midi, il y a une initiation à la plongée en fin de journée. Ça peut être pas mal ça aussi à essayer. Enfin, c'est les nocturnes de l'été à la Clusa. Profitez de la fraîcheur de la fin de soirée pour vous amuser sur la base de loisirs du centre du village et puis la patinoire également. Ou même faire un tour sur la luge d'été. C'est vrai qu'en nocturne, ça peut être assez sympa, cette luge d'été. Voilà pour les activités que j'avais à vous proposer pour demain soir. Côté musique, c'est Marina Kay. Voici Evan Bound sur France Bleu. I held a magnifying glass up to our love. Burned a hole right through it. And in the light of day, I see the end of us. Yes, I always knew it. But if the sun don't shine, I can trick my heart. You can still be mine if we stay in the dark. So shut the door. Walls wrapped in our lies, clinging to each other. But eventually the truth will come for us, like a knife-edged feather. If we could see the signs, we would break apart. But we still have time if we stay in the dark. So shut the door. Up to our love. Burned a hole right through it. Marina Kay sur France Bleu. Un point sur les conditions de circulation en temps réel avec pas mal de monde du côté des lieux touristiques. On sent qu'on est sur une fin de journée et qu'on rentre après la baignade, notamment du côté du lac d'Annecy. Entre Suvrie et Annecy, c'est très chargé. Et puis sur les deux rives, sur la rive est aussi, après Vrillé-du-Lac, il peut y avoir quelques ralentissements. Et puis le lac du Bourget, entre Aix-les-Bains et Viviers-du-Lac, dans les deux sens, vous êtes... par choc contre par choc, notamment du côté de Tresserve. Donc là aussi, armez-vous de patience, bon courage. Si c'est après les vacances, on arrive à souffler et à prendre son mal en patience. Quelques ralentissements aussi du côté de Thônes, entre Alex et Thônes. Il peut y avoir quelques bouchons à la Clusaz, le Grand Bornand ou encore à Cruseille. Bon courage si vous êtes pris dans des difficultés sur la route à l'écoute de France Bleu. Eh ben, il est 18h30. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le 16-19, France Bleu, Arthur de Plante. Accompagné de Manon à la réalisation et Charlotte aussi qui vous répond au 0806-00-10-10. On fait le plein de bonnes idées de sortie avant le début de soirée à 19h dans toute la région Rhône-Alpes. Et dans un instant, je vous partage des idées pour aller voir du cinéma en plein air. C'est vrai que c'est toujours très sympa en extérieur. Il y a vraiment pas mal de choses, hein. On fait le point d'ici quelques instants, ce sera après Mika et David Bowie qui arrivent sur France Bleu. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et tente, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Elle me dit c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Elle me dit t'es trop nul, sors un peu de ta bulle. Tu fais n'importe quoi, on dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie, pourquoi tu gâches ta vie, pourquoi tu gâches ta vie, danse, danse, danse, elle me dit danse. Comme les autres garçons, va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous sur internet, ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te vins tout le temps, on dirait que t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu vas plaire. Elle me dit, un jour je ne serai plus là, mais c'est quand elle me dit ça, qu'elle me dit un truc que j'aime. Après-midi en mode vacances. Vacances. Le 16-19, France Bleu. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream

France Bleu, le 16-19. Le cinéma, c'est sympa, mais en plein air, c'est super. J'ai plein de solutions pour vous dans la région ce soir. On file d'abord à Jardin, dans le pays de Vienne-Condrieux, pour la projection du film d'animation Patty et la colère de Poséidon, à la tombée de la nuit dans la cour de l'école de Jardin. La vie s'écoule paisiblement à Iolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière va tout tenter pour sauver l'astuce. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une héroïne. Nous, nous devions de montrer notre gratitude à Zeus. Trop stylé. La ramène pas trop quand même. Il y en a un qui va finir par mal le prendre. Ma colère est immense. Je vous laisse 7 jours pour me faire une statue aussi belle que celle de mon frère. En route pour l'aventure. Patty et la colère de Poséidon, c'est ce soir à Jardin, du côté d'Alba la Romaine. On reste dans l'ambiance antique, mais gauloise, avec le dernier Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Assurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même ? Ouais. Mais moi, je sais où c'est. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Elle est du bien. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous ? Non, mais non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Obélix ? Tu seras mon témoin. Oh ! Mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer ! Oh ! Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est ce soir à Muséal Antique. Au théâtre antique d'Alba la Romaine. Sinon, il y aura des projections plein air également ce soir du côté d'Annemasse ou encore Évian-les-Bains. Et puis, si je vous dis chocolat. Le super film Les Goonies par Monsieur Spielberg. Bah dites donc, monsieur, je crois que vous êtes encore plus gourmand que moi. Zinoc. Choco. Zinoc. Choco. Les Goonies, c'est à voir dans la cour de l'école du Pialon à Saint-Paul-Trois-Châteaux ce soir. Et enfin, pour terminer, une date qui aura lieu demain du côté du parking du sémaphore à Roussillon, c'est les Petites Victoires, l'histoire d'un sexagénaire au caractère explosif qui est enfin décidé à apprendre à lire et à écrire. Allez, on range les vélos. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vais apprendre. Pourquoi tu sais pas lire? C'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié. A, U. Non, A, U, ça fait O. Bah non, ça fait A, U. Ah non, ça fait O. Et P, H, ça fait F. Non, tu déconnes. Non. Michel Blanc, Julia Piaton, un film doublement primé au Festival de l'Alpe d'Huez. Les Petites Victoires, ce sera donc demain à Roussillon. Et demain, à la même heure, j'aurai d'autres idées de cinéma en plein air à vous proposer. Pour l'heure, voici Zaoui et toute la France sur France Bleu. Dans un rêve, si tout déjà, si tout déjà, toute la France est folle de moi. Dans un rêve, si tout déjà, toute la... Pardonne-moi. J'ai pu être vulgaire, un peu terre à terre. Si sûr de moi, tu aimais ça. J'ai joué le gangster pour te plaire. Si loin de toi, je m'ennuie déjà. Je ferai tout pour qu'on se serre. Regarde-moi, les yeux dans les yeux. Suis-je assez classe pour un coup de cœur? Je suis si bien si la foule danse. Le son des basses pour seule romance. Besoin de flash, besoin de wow. Besoin de strass et de lumière. Dans un récit tout déjà. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort, câline dans mes bras. Dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes draps. Je lui susurre quelques sons à moi. Elle rougit, regarde caméra. Retrouve-moi, la tête en vrac. Mon cœur revenu de l'enfer. Raconte-moi tous tes plaisirs. Comment t'aimer, te faire rugir. J'invente pour toi toutes les tendances. L'amour du groove de cette France. Y'a que dans tes bras que je me sens roi. Que je me sens moi. Que je me sens. Je la vis mal toute cette distance. Je tourne en roue à ton absence. J'ai besoin de toi, besoin de ça. Besoin d'un succès populaire. Dans un récit tout déjà. Toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort, câline dans mes bras. Dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes draps. Je lui susurre quelques sons à moi. Elle rougit, regarde caméra.

Le 16-19, France Bleu. France Bleu. Ils étaient sur notre antenne cette année, on les réécoute cet été, notamment Benoît Chieux, réalisateur drômois du film d'animation. On lui doit Tante Hilda et bientôt, en fin d'année, nous découvrirons Sirocco et le royaume des courants d'air, un long métrage qui a fait l'ouverture du dernier festival d'Annecy et qui a même décroché le prix du public. Benoît Chieux dévoile donc les grandes lignes de l'histoire de Sirocco au micro de Christophe Bernard. C'est une histoire de vent. Donc c'est un peu le thème transversal du film. C'est surtout l'histoire de deux jeunes sœurs qui sont emmenées un peu malgré elles dans un univers un peu fantastique et dans lequel elles doivent retrouver le magicien de ce fameux royaume des courants d'air qui s'appelle Sirocco. Et en faisant ce trajet, elles vont vivre toute une sorte d'aventure qui va les mener jusqu'à ce fameux magicien. Voilà, c'est une histoire quand même. De sororité entre deux sœurs, voilà. Voilà, deux jeunes fillettes, hein, Juliette 4 ans, Carmen 8 ans. Et le point de départ, ce sont des livres en fait qui sont écrits par leur voisine, c'est ça ? C'est ça, c'est un peu le point de départ, c'est-à-dire que leur voisine qui va les garder le temps d'un week-end écrit des livres et dans ces livres, elle décrit un monde imaginaire et c'est dans ce monde-là que les deux petites filles vont tomber. C'est pas tout à fait la forme d'une porte, mais il faut aller voir le film pour découvrir de quelle manière elles vont tomber dans ce monde fantastique. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire qu'elles vont se retrouver transformées en chats ? Oui, on a le droit de le dire jusque-là. Ah bah maintenant c'est dit. C'est dit. Donc, oui, en fait, dans ce monde, tout est prétexte pour que tout soit transformé et donc leur apparence aussi. Et donc elles vont se retrouver sous la forme de deux chats ou deux chattes dans cet univers, mais c'est pas un univers fait d'animaux, c'est un univers fait de personnages étranges et puis parfois mystérieux et qui ne sont pas forcément des animaux. Il y a aussi des personnages imaginaires qu'on n'a jamais vus. Certains ont des têtes d'animaux. Il y a un personnage très important qui s'appelle Selma qui a une tête d'oiseau, mais c'est pas le cas de tous les personnages. Donc c'est vraiment un prétexte pour découvrir un monde qu'une personne ne connaît. Donc il faut aller au cinéma pour le voir. Et alors justement, il y a ce fameux Sirocco qui lui est un personnage assez terrifiant. Alors Sirocco c'est un personnage mystérieux. Donc je vais pas raconter l'histoire, mais c'est un personnage dont on ne saisit pas bien la personnalité. Et donc c'est pour ça que ce voyage va nous permettre un peu de découvrir qui se cache derrière l'écharpe qui protège le visage de Sirocco. Mais comme son nom l'indique, on peut imaginer qu'il y a un rapport très fort avec le vent et donc c'est un peu le maître des vents de ce royaume. Et c'est lui qui possède la clé qui va permettre aux deux jeunes sœurs de revenir dans la maison de cette écrivaine qui les garde le temps d'un week-end. Benoît Chieux, réalisateur donc de Sirocco et le royaume des courants d'air, un film d'animation rhône-alpin qui sortira pour les fêtes le 13 décembre prochain. Notez bien la date, et c'est vrai qu'en Rhône-Alpes, on est quand même bien servi d'un point de vue film d'animation. On a ce festival d'Annecy, on a le studio Folimage aussi à Valence, et c'est chouette parce que c'est bien. J'aime bien, moi j'aime beaucoup les films d'animation. Voilà, moi je donne mon avis comme ça, écoutez, ça m'arrive. Voici Céline Dion, en attendant C'est pas sur France Bleu, avant le retour de vos informations, et puis 19h, Décibel avec Johan Rock. En attendant C'est pas, je mets la musique en sourdine tout bas, trop bête on ne sait pas s'il sonnait, si je n'entendais pas cette voix.